déchirée. La terre a été purifiée, le monde a été libéré, Jésus a été glorifié, le voile a été déchiré. La terre a été purifiée, le monde a été libéré, Jésus, Jésus. Le temps s'écoule, déjà la neuvième heure. Les ténèbres couvrent toute la terre. Un silence règne dans tout l'univers. Élevé, pourtant vu comme maudit, le châtiment qui nous donne la paix peut tomber sur lui. Comme un agneau destiné à la boucherie opprimée, méprisé, humilié, crucifié pour nos péchés. Comme un agneau destiné à la boucherie opprimée, méprisé, humilié, crucifié pour nos iniquités. Le voile a été déchiré, la terre a été purifiée, le monde a été libéré, Jésus a été glorifié. Le voile a été déchiré, la terre a été purifiée, le monde a été libéré, Jésus, Jésus. La terre tremble et ses poutres s'ouvrent, les rochers se fendent. Jésus pousse un grand cri. Le voile du temple se déchire de haut en bas. Golgotha, témoin du sacrifice à la croix. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? En lui le salut repose, c'est l'écho de son appel. Jésus mort mais ressuscité pour l'humanité, il a tout accompli, ouais. Comme un agneau destiné à la boucherie opprimée, méprisé, humilié, crucifié pour nos péchés. Comme un agneau destiné à la boucherie opprimée, méprisé, humilié, crucifié pour nos iniquités. Le voile a été déchiré, la terre a été purifiée, le monde a été libéré, Jésus a été glorifié. Le voile a été déchiré, la terre a été purifiée, le monde a été libéré, Jésus, Jésus. Tout genou fléchira, tout l'en confessera que Jésus est Seigneur, Jésus roi des rois. Tout genou fléchira, tout l'en confessera que Jésus est Seigneur. La terre a été purifiée, le monde a été libéré, Jésus a été glorifié. Le voile a été déchiré, la terre a été purifiée, le monde a été libéré, Jésus a été glorifié.